Le bûcheron. L'hiver dernier, qui fut un terrible hiver, un homme du village alla à la forêt et monta tout en haut d'un grand hêtre pour faire du bois. Mais en abattant quelques branches, sa hache lui échappa et tomba à terre. Le bûcheron en fut fâché, car il lui déplaisait de descendre la chercher et puis encore remonter. Tout musant et maugréant, il lui prit un besoin et il fit, du haut en bas, juste sur sa cognée. Or, en coulant, l'eau gela par l'horrible froidure du temps, au grand ébahissement de l'abatteur de bois. Celui-ci, pourtant, en homme avisé, saisit le bout du glaçon, attira la hache attachée à l'autre extrémité comme à un cordon, et se remit à sa besogne. Ce qu'on peut tenir en la main, le mettre à terre est incertain.